Elle bat la campagne, se dit Lisbeth sur le seuil de la chambre. Le sentiment le plus violent que l'on connaisse, l'amitié d'une femme pour une femme, n'eut pas l'héroïque constance de l'Église. Lisbeth, suffoquée par les miasmes délétères, quitta la chambre. Elle vit les médecins continuant à discuter. Mais l'opinion de Bianchon l'emportait, et l'on ne débattait plus que la manière d'entreprendre l'expérience. « Ce sera toujours une magnifique autopsie, » disait un des opposants, « et nous aurons deux sujets pour pouvoir établir des comparaisons. » Lisbeth accompagna Bianchon, qui vint au lit de la malade, sans avoir l'air de s'apercevoir de la fétidité qui s'en exhalait. « Madame, » dit-il, « nous allons essayer sur vous une médication puissante et qui peut vous sauver. »« Si vous me sauvez, » dit-elle, « serais-je belle comme auparavant ?»« Peut-être, » dit le savant médecin. « Votre peut-être est connu, » dit Valérie. « Je serai comme ces femmes tombées dans le feu. Laissez-moi tout à l'église. Je ne puis maintenant plaire qu'à Dieu. Je vais tâcher de me réconcilier avec lui. Ce sera ma dernière coquetterie. Oui, il faut que je fasse le bon Dieu. » « Voilà le dernier mot de ma pauvre Valérie. Je la retrouve, » dit Lisbeth en pleurant.